بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، اليوم سندخل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني من هذه الرسالة. نبدأ الآن الدوزيام درس concernant les أحكام de zakat al-fitr. يقول أولا حكم زكاة الفطر. Donc, quel est le jugement qui se rapporte à cette zakat? Taban, il va citer les divergences qu'il y a. Comme j'ai dit, on ne va pas s'allonger, s'attarder à tout lire. On va prendre l'essentiel. D'accord? Il y a le kol awwal. La zakat al-fitri wajibatun ala kulli muslimin. Wa wa kol jumhur ahli al-ilmi bel nukil al-ijma'u ala hada. Donc, maintenant, le premier avis, c'est que cette zakat de fitr, elle est obligatoire pour chaque musulman. Et ça, c'est la parole de la plupart, la majeure partie des savants, et certains même ont cité l'unanimité à cela, dont Ibn Munzir et d'autres. En prenant les versets généraux qui parlent de la zakat dans le Coran, « Wa tu zaka » et « Acquittez-vous de la zakat », les différents versets. Ensuite, il y a aussi le hadith qui va venir, qui va souvent être répété, d'Ibn Abbas, son asar, dans lequel il dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر que le Nabi صلى الله عليه وسلم a rendu obligatoire, a imposé la زكاة الفطر. Donc dans le hadith فرض, c'est-à-dire a rendu obligatoire. Et c'est aussi un hadith de Ibn Omar. Dans le terme c'est venu فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفي اللفظ أمر. C'est-à-dire que le Nabi صلى الله عليه وسلم a imposé cette زكاة الفطر. Dans un autre terme, notre riwaya, il a dit Amara, c'est-à-dire il a ordonné. Donc c'est un ordre. Donc premier avis, c'est qu'elle est obligatoire pour tout muslim. Al-Qawl al-Thani, Zakatul Fitri, Sunna Mu'akkada. Que c'est une sunna qui est confirmée, c'est-à-dire qui est fortement recommandée. Et eux, ils voient que le mot Farada, en arabe, Farada, c'est-à-dire qu'il a imposé, c'est ils voient que c'est le côté recommandé et non pas obligatoire. Mais la base dans les usuls, c'est que lorsqu'un ordre y vient, il reste sous l'obligation tant qu'on n'a pas autre chose qui indique qu'il s'agit de choses recommandées. Chose qui n'est pas le cas ici. Et le troisième avis, c'est que la zakat al-fitr a été abrogée. D'accord ? Certains ont dit que la zakat al-fitr a été abrogée. Donc c'est un avis qui existe. Et leur dalil à eux, c'est un hadith de Qais ibn Sa'd. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqat al-fitr qabl an tunzal al-zakah. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعلها. Donc il a dit ce sahabi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné la zakat al-fitr avant que ne soit rendu obligatoire la zakat, c'est-à-dire zakat al-mal. Une fois que zakat al-mal a été ordonné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a plus ordonné de donner celle du fitr. Et ni nous l'a interdit alors que nous le faisions. Donc ce hadith, bien qu'il soit authentique, n'est pas une preuve que cela a été abrogé. C'est juste que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas continué à répéter qu'il fallait la donner. Et le fait qu'il ne le répète pas ne veut pas dire que cela a été abrogé. D'accord ? Donc ce hadith en lui-même n'est pas une preuve pour dire qu'il n'y a plus à la donner de façon obligatoire. Donc le vrai avis, c'est le premier, que celle-ci est obligatoire pour tout musulman. Et il dit « Allazina lam yasumu yajib alayhim zakat al-fitr » que tous ceux qui n'ont pas jeûné parmi les musulmans, eh ben malgré tout, la zakat leur est obligatoire. C'est-à-dire le malade dont on espère la guérison, ou le malade qui est incurable, ou l'homme âgé, ou le voyageur. Le voyageur, c'est-à-dire quand ils ont rompu, parce qu'il a rompu. La femme qui a ses menstrues, la femme qui a ses lochis, l'enfant en bas âge, le fou, tous, cette zakat, el fitr, doit être versée. Pour tous. Donc maintenant, il dit « Alaman tajib » Zakat al-fitri. Donc maintenant, cette zakat, sur qui elle est rendue obligatoire de façon particulière. C'est-à-dire, il va dire maintenant qui doit la donner en lui-même. Quelle personne doit payer cette zakat. Donc il y a un hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدك بخروج الناس إلى الصلاة. Donc il a dit Ibn Omar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a imposé cette zakat, fitr, en étant un sort de date. Les sorts, on va expliquer c'est quoi la quantité, Inch'Allah, dans le vers suivant. Donc, soit un sort de date ou alors d'orge. Et cela a été rendu obligatoire sur l'esclave ou l'homme libre, ou l'homme ou la femme, ou l'enfant ou l'homme âgé. Et quand on dit homme âgé, c'est femme âgée également. Parmi les musulmines. Et il a ordonné que cette zakat soit versée avant que les gens ne se rendent à la salat du Eid. Et le hadith, c'est les mots de Tafakun alayh. Vous voyez, ce hadith-là, il va être souvent répété dans son interprétation. On va le répéter car plusieurs savants s'en servent pour leurs avis. Et c'est un même hadith, mais qui est interprété de façon différente par rapport au harf ala. Lorsqu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala al-abdi wal-hurri. Le mot ala peut être interprété de différentes façons. Donc ce hadith montre que déjà, c'est une obligation pour tout musulman. D'accord ? Et maintenant, qui est celui qui doit la payer lui-même ? Ibn Munzir, il a dit « Ajma'u ala anna sadaqat al-fitr tajib ala al-mar'i iza amkanahu ada'uha an nafsi wa awladihi aw al-atfal al-lazina lam amwal lahum wa akhtalafu fil al-atfal al-lazina lahum amwal wa akhtalafu fil al-atfal al-lazina lahum amwal » Ibn Munzir, il a dit que les savants sont unanimes sur le fait que cette zakat doit être rendue obligatoire pour toute personne qui est en mesure de la donner par lui-même et de la donner pour ses enfants ou pour les enfants qui n'ont pas d'argent. Par contre, ils ont divergé sur les enfants qui, eux, ont de l'argent. Et ensuite, il a été dit que, justement, cette zakat rentre dans les dépenses. Donc, toute personne pour qui il est obligatoire de dépenser pour autrui, alors cette zakat est obligatoire pour cette tierce personne. Donc, en réalité, si on retient cette règle-là, ça va répondre à beaucoup de questions qui vont venir par la suite. Zakat al-fitr, pour qui elle est obligatoire ? Pour la personne en elle-même, si elle est en mesure de se payer sa zakat elle-même, ou alors pour celui qui doit dépenser pour autrui. Ave. Taille. Donc maintenant, il va reposer la même question, mais en mufassal, plus détaillé. D'accord ? Donc en premier lieu, il dit « Hal zakatul fitri ala al-mar'ati min maliha am min mali zawjiha ?» Donc maintenant, la femme, est-ce qu'elle doit payer cette zakat de son propre argent à elle ou de l'argent de son époux ? Il rapporta, l'auteur, un ijma' cité par Ibn Munzir, que les gens de science disent que la femme qui n'est pas mariée doit payer sa zakat elle-même et selon l'unanimité. Après, il faut savoir que cet avis paraît peut-être incohérent étant donné que la femme, avant d'être mariée, est prise en charge par son wali, son père ou autre. Donc, cet ijma, je ne sais pas s'il doit être expliqué car l'auteur l'a cité comme ça dans l'absolu, mais vous allez voir dans les mincelles qui vont arriver que l'homme doit payer pour les gens qui sont en sa charge. Donc, le père, s'il a une fille, elle n'est pas mariée, qui doit sortir la zakat pour elle, c'est lui. Donc le premier avis par rapport à cette femme, c'est qu'il a dit bah, « Al-mar'ati entukhrija sadaqat al-fitr min ma'aliha ». Donc le premier avis, c'est qu'il est obligatoire à la femme de payer elle-même sa zakat. D'accord. Et leur hadith, leur preuve, c'est quoi ? C'est le hadith d'Ibn Omar. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cette zakat d'un sort de date ou d'un sort d'orge sur le serviteur, c'est-à-dire l'esclave, sur l'homme libre, sur l'homme et sur la femme, et ainsi de suite. Donc le hadith dit sur la femme. C'est-à-dire que la femme, il lui est imposé de sortir zakat al-fitr. Et le deuxième avis, yajib ala zawj ikhraj zakat al-fitr an zawjatihi. Wa waqul malik wa al-lays wa ghayrihim. Et le deuxième avis, c'est que c'est à l'époux de payer la zakat, d'accord, pour son épouse. Et c'est quoi leur dalil ? C'est le même hadith. Car ils disent que ala al-abd wal-hur wa zakar wal-unsa, le ala ici veut dire an, c'est-à-dire qu'il doit être payé pour le serviteur et pour le libre qui est à la charge de quelqu'un, et pour l'homme qui est à la charge de quelqu'un, ou pour la femme qui est à la charge de quelqu'un, et l'enfant qui est à la charge de quelqu'un, ainsi de suite. Tamam. Donc cet avis, c'est l'avis qui est correct, car on sait que parmi les droits de la femme, que son époux dépense pour elle. Donc cela rentre dedans zakat al-fitr. D'accord ? Maintenant, si elle veut elle-même le faire d'elle-même, elle a le droit. Sans quoi, c'est à son époux de la payer pour elle. Thumma yaqul hal zakat al-fitr ala as-sabi min malihi aw min mal walihi. Donc maintenant, l'enfant, est-ce que cette zakat doit-elle prise de son argent à lui, s'il a de l'argent, ou alors de l'argent de son tuteur ? Et le tuteur, c'est large. Ça peut être son père, ça peut être une personne, son grand-père. La personne à qui, sous qui par qui il est pris en charge. Donc déjà, l'enfant qui, à la base, n'a pas d'argent, il est certain que c'est à son père de payer cette zakat pour lui. Car ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que toute personne qui a des gens à sa charge, c'est à lui de payer obligatoirement la zakat et fait pour eux s'il ne peut pas le faire. Et d'autres disent que l'enfant, s'il a de l'argent, alors cet enfant paye lui-même sa zakat. D'accord ? Là, attention, on parle d'une divergence pour zakat el-fitr. Par contre, zakat el-mal, si l'enfant a de l'argent, alors zakat el-mal lui est obligatoire. Ce n'est pas à son père de payer la zakat pour lui. La zakat el-mal, c'est comme la salat. Ça revient à chacun. Personne ne peut le faire pour toi. Donc, en réalité, l'enfant est sous la charge de son père. Donc, c'est à lui de payer pour lui sa zakat. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Même pour la femme, avant qu'elle ne soit mariée, elle est à la charge de son père. Donc, en réalité, même si elle a de l'argent, c'est à son père de dépenser pour elle. Yaqul, hal 'ala ar-rajul ikhraj zakat al-fitr 'an abihi wa ummihi wa kadha 'an ajdadihi wa jaddatihi. Maintenant, est-ce que l'homme doit payer la zakat pour son père, pour sa mère et également pour ses grands-parents, homme ou femme? D'accord? Est-ce qu'il doit sortir cela pour ses grands-parents et autres et ses parents? Awalan يجب على ابن الموسر وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه إن علوا إذا كان موسرين. Donc maintenant il est obligatoire au fils qui a les moyens, d'accord, de sortir zakat al-fitr pour ses parents. C'est-à-dire quand on parle de fils, ça peut être fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils. Et quand on dit ses parents, ça peut être ses parents, ses grands-parents et arrière-grands-parents, ainsi de suite. Donc l'enfant, quand on dit enfant, ça ne fait pas forcément dire un pubère, hein. L'enfant, ça veut dire celui qui a des parents au-dessus de lui, et ainsi de suite. S'il a les moyens et que ses parents n'ont pas les moyens, alors il doit sortir la zakat pour eux. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, que cela n'est pas obligatoire. D'accord ? Et apparemment, ce serait l'avis de Cheikh Al-Othaymin. Et l'avis authentique, c'est que cela est obligatoire. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna atyeb ma akala ar-rajulu min kasbihi ou inna waladahu min kasbihi » que le meilleur bien dont mange l'homme, c'est le fruit de son labeur, et que l'enfant fait partie de son labeur. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que son fils possède également peut revenir au père, de façon raisonnable. Il y a un autre hadith qui le confirme. Lorsqu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Jabir ibn Abdillah, « Anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li malan wa walada, wa inna abi yuridu an yashta hamali. » Donc un homme s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, j'ai de l'argent ainsi qu'un fils et que mon père veut de mon argent. » Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toi ainsi que ton père, ainsi que ton argent appartenait à ton père. » C'est-à-dire que si ton père a besoin d'argent et que tu en as, et a un réel besoin, alors il a le droit de se servir. Donc cela revient à dire que le fils doit payer la zakat de son père si celui-ci n'est pas en mesure de le faire. Et d'ailleurs, à la base, c'est une obligation pour le fils de dépenser pour ses parents s'ils ont besoin de lui. Zakat al-fitr ou autre zakat al-fitr. Cette masala-là, elle est générale. Ensuite, il dit « Hal yajib ala al-jadd in kana musiran zakat al-fitr an walad waladihi al-mursir » Donc maintenant, c'est est-ce qu'il est obligatoire au grand-père de sortir la zakat pour le petit-fils? Et on parle du grand-père qui est aisé et du petit-fils qui est nécessiteux. D'accord? Donc, Azadik, deux avis, un qui parle d'obligation et d'autres qui parle de non-obligation. Et l'avis authentique, c'est que cela est l'obligatoire, car le père, le grand-père, Afouane, prend le jugement du père. Lorsque le père est absent, le grand-père prend la place du père. Donc, il prend les mêmes responsabilités et les mêmes charges. Donc, il sort la zakat fitr pour son petit-fils. Allahu ta'ala alam. Rabi Achar, هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن عياله الكبار إذا كانوا في عياله. Donc maintenant, il dit, est-ce qu'il est obligatoire au père de sortir zakat al-fitr pour ses enfants s'ils sont grands? Mais on parle d'enfants qui sont encore à sa charge. Il a des fils ou des filles qui sont d'un certain âge, ils sont pubères ou quoi, mais ils habitent encore chez lui, ils sont à sa charge, ils ne travaillent pas ou ce qui s'ensuit. Donc le fait qu'ils soient grands maintenant et pubères, j'ai dit un pubère, je me suis trompé, je voulais dire pubère, est-ce qu'il est obligatoire au père de payer pour eux? D'accord? Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que tant qu'ils restent à sa charge, quel que soit leur âge, alors il doit sortir la zakat pour eux. D'accord ? Taïb. La question d'après maintenant, c'est « Hel yajib ala al-ab ikhraj zakat al-fitr an ibnihi al-kabir al-mu'sir ?» Donc maintenant, est-ce qu'il est obligatoire au père de sortir la zakat pour son fils? Mais de quel fils? Un fils qui est indépendant du père, c'est-à-dire qui a fait sa propre vie, qui a son propre foyer. Cependant, ce fils est nécessiteux. D'accord? Il n'a pas les moyens. Est-ce qu'à ce moment-là, il est obligatoire au père de sortir la zakat pour lui? D'accord? Et l'auteur, lui, il voit que non, ce n'est plus obligatoire, car à la base, ce fils a fait son propre chemin, mène sa propre vie. D'accord? Donc, si le père ne sort pas la zakat pour lui, ce n'est pas un péché pour le père. Mais il le sera recommandé de le faire, par bienfaisance envers son fils. Mais est-ce que cela est obligatoire pour lui? Non, cela ne l'est pas. Non. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui pour ce ders. Et on poursuivra dans le troisième ders, Inch'Allah, concernant également les gens pour qui cette zakat doit être sortie. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.